pour les forestiers. Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous offre le F-150 2019 en location à seulement $198 aux deux semaines pendant 48 mois au taux annuel de 3,99%, en plus d'un rabais technologique d'une valeur de $750. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini souhaite aux forestiers un bon mois de l'arbre et de la forêt. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. On va parler de deck hockey avec... on sait que Dolbeau-Mistassini, c'est la folie furieuse. 200 joueurs se sont inscrits à Dolbeau-Mistassini pour le deck hockey. Est-ce que ça a dérangé Saint-Prime? Parce que Saint-Prime, soyons honnêtes, c'est un investisseur privé qui a organisé ça il y a 2 ans. Et c'était toute qu'une installation, c'était très, très dynamique. Question de savoir davantage, bon, on le connaît bien, c'est lui qui est le responsable du deck hockey à Saint-Prime chez Charles Tremblay. Charles qui a joué avec les Saguenayens, qui a joué avec les élites cette année. Salut Charles! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Première question, Charles, j'ai envie de te poser. On va parler du deck hockey, on va parler de la classique Samuel Girard dans le très simple, par contre, là, parce qu'il n'y a pas encore de détails. Mais oui. Première question, Dolbeau-Mistassini, ça a-tu bien dérangé? Ben, je te dirais, là, nous, au début de la saison, on pensait que ça allait avoir un plus gros impact que ça sur nos équipes. Mais étant donné que c'est l'année passée, là, à titre, mettons, avec les chiffres, on avait 18 équipes au total, dont 4 équipes féminines. Okay. Cette année, on s'était dit qu'avec l'arrivée de Dolbeau, ben, on allait être juste pour avoir une ligue, parce qu'on avait trois équipes qui venaient du secteur Dolbeau, Normandin, Albanais, etc. Donc, on s'est dit, ben là, si on tombe à 15 équipes, ça va devenir plus difficile. C'est nous, on a des grandes installations, on a 2 surfaces, on a des tableaux indicateurs, on a un... Ah, c'est vraiment bien organisé, j'ai passé, là, puis c'est vraiment... Ouais, c'est assez incroyable. C'est high-tech, écoute, c'est ça, là, on s'était dit qu'on allait perdre encore 3 équipes, on tombait à 15, mais finalement, ça a été le contraire. On a fait que sans la classe féminine, parce que là, on n'a pas réussi à avoir assez de filles pour jouer cette année, on a réussi à atteindre le 23 équipes. Ah, OK. 23 équipes, toutes classes confondues. Puis on a réussi à tripler notre nombre de jeunes là, comparé à l'année dernière. Qu'est-ce qui fait dire? T'as-tu plus travaillé? T'as-tu plus de stratégie? Ben écoute, plus... oui, ben c'est sûr que cette année, on a commencé plus tôt les inscriptions. On en a parlé probablement plus un peu. J'ai travaillé de mon côté à essayer de recruter le plus possible là, des équipes. Là. On a vraiment travaillé fort notre équipe de Concacaf Saint-Prime. Puis écoute, je pense que le mot, c'est juste passé. Puis c'est tellement un beau sport qui est en train d'exploser, si on veut. C'est tellement un sport qui est en train de se développer ici au lac Saint-Jean. Puis moi, je pense que ça va juste aller en grandissant. À la fin de la journée, dans le fond, plus qu'on joue au deck, mieux c'est. Quand tu penses à tout ça, là, au début, on trouvait ça tout... moi, la question que je me suis posée, c'est plate pour Jean Lapierre et Alexandre Deschênes, c'est eux autres qui ont investi quasiment 200 000 piastres il y a 2 ans là-dessus. Je me dis, mais à quelque part, tu peux pas empêcher la compétition, mais là, à la fin, si on me dit qu'à quelque part, c'est le deck hockey qui sort gagnant de tout ça, là. Ben oui, complètement. Puis, tu sais, je veux dire, au départ, les arénas, il y en avait peut-être une pour 3-4 villages, villes. Maintenant, il y en a une dans pratiquement chaque village. Donc, tu sais, je veux dire, c'est un sport qui commence, puis je pense que plus ça va aller, plus il va y avoir des municipalités qui vont s'ajouter. Mais pour le moment, je pense que on est trois centres au lac Saint-Jean. Je pense que c'est 4 avec Alma. Je pense que c'est amplement suffisant là, pour la demande. Je pense que nous, on répond vraiment à la demande. Là, on n'a plus beaucoup de plage horaire disponible. Parce que justement, on a eu beaucoup plus d'équipes qu'on s'attendait, puis on est vraiment content de ça. Puis on est, tu sais, ça nous a permis même de réussir à investir pour là. On est en train de construire un bar, là, un beau bar avec des belles installations. C'est qu'on rajoute encore, on est encore en train d'investir. Là. C'est ça que je veux dire. Pardon, on est encore en train d'investir dans le centre parce qu'on est une équipe qui aurait quoi vraiment là-dedans. Charles, je me rappelle, il y a 2 ans, un des objectifs de Jean Lapierre, et je parlais avec Jean, puis il me disait, il faudrait essayer de trouver des organismes, des entreprises, un petit peu, pour qu'ils viennent jouer au deck pour le fun. Est-ce que ça, c'est vous avez développé ce côté-là aussi? Là? Ben oui, c'est sûr. Ben, tu sais, n'importe qui, parce que les gens, ils s'imaginent pas à quel point c'est le fun, parce que, tu sais, ils s'imaginent, c'est comme le hockey dans la rue. T'sais, au départ, ils disent ça, c'est pareil au hockey dans la rue, mais quand t'arrives sur une surface, le deck fait pour ça, la balle, et tout ça, c'est vraiment pas le même feeling que t'as avec la balle et le bâton, les bandes, les buts, les grillages, les gardiens de but, même l'équipement, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un sport qui est sous-estimé, je pense, par tout le monde. Et juste de venir l'essayer une fois, là, il y en a plusieurs, mettons, hier soir, on avait 2 locations, des gars qui venaient essayer pour la première fois, puis ils ont dit, hein. Et on a fait le saut, comment c'est le fun, là, tu sais. OK. L'idée commence quand, en passant? Les games sont commencés, là. Ils ont commencé hier soir. Ce soir, là, on joue, ça joue de 6h jusqu'à 6h ce soir. Là. Sur okay. les deux surfaces, là, puis il n'y a pas de pause. OK. Ah, ben c'est bon, ça va me... OK, aussi de suite. Belle annonce qui a été faite également cette semaine, la classique Samuel Girard. C'est sûr que les détails ne sont pas encore trop sortis. Par contre, c'est tout qu'un coup, parce que ce que j'ai lu dans l'Étoile du Lac, parce que c'est lui pas mal que cette nouvelle, c'est que vous êtes associé avec un circuit reconnu, là. Oui, ben Samuel Girard, qui est très reconnu dans l'eau du lac Saint-Jean, puis... Écoute, nous, ça faisait longtemps là, qu'on avait ça en tête là, de la classique 49 avec Samuel Girard, son numéro. Après ça, Tony Girard, son père, est dans l'organisation avec son frère Christopher et Jérémy, ses deux frères. Donc, c'est la famille, vraiment, on ne fait pas juste s'associer aux joueurs, on s'associe à la famille au complet pour cet événement-là. Puis c'est Christopher, mais je pense à Christopher Girard, qui est probablement, là, je veux rien enlever à Samuel, mais au décorqué, Christopher Girard, le frère à Samuel, c'est un des tops là, dans le haut du lac, là. Vraiment, puis lui, il a des grandes connaissances là-dedans, puis il va vraiment nous être utile là-dessus. Ben moi, on me dit que, parce qu'en me disant que il y a deux ans, j'ai joué, quelqu'un me disait, Samuel, il est pas si dominant que ça, au deck hockey. C'est très différent. Ben au deck hockey, c'est pas qu'il est pas dominant, c'est tu le vois, Samuel Girard, il va toujours avoir une coche au-dessus des autres, une vision du jeu incroyable, un lancer de la Ligue nationale, etc. Mais... Quand je pense à Samuel Girard, première affaire qui vient en tête, c'est son coup de patin, normalement. Ouais. Mais au deck hockey, il n'y en a pas de coup de patin. C'est tout le monde, il s'en même longueur, tout le monde court. Mm. Fait que, tu sais, je veux dire, ça y enlève un certain avantage qu'il y a par rapport aux autres, mais il reste extrêmement dominant, là. Ça reste un très, très bon joueur de deck hockey, je veux dire. C'est sûr que c'est plus. La coche est moins élevée sur des patins, mais ça reste qu'il est un gars dominant. C'est sûr que le hockey sense, Samuel aussi, son coup de patin, puis c'est son hockey sense. Puis le hockey sense, c'est oui, au deck hockey, là. Il, ouais, exact, pareil, là. Il reste là, sa vision de jeu, tout, hein, ça reste là. OK. Charles, évidemment, tu es porte-couleur des Éperviers de Normandin également. C'était ta première année avec les Éperviers. Tu as quitté les Sags pour les Éperviers. Comment tu as trouvé ton année avec les Éperviers? Honnêtement, j'ai vraiment adoré l'expérience. Je veux dire, les Éperviers Normandins, c'est pas juste une équipe de hockey, c'est l'équipe d'un village. Le village est derrière eux complètement, puis ils sont tous là à travailler dans le même sens tout le temps. Puis écoute, c'est surprenant à quel point, tu sais, je veux dire, quand on est jeune, là, on me donnait ça comme exemple, là, quand on est jeune, on veut pas aller vendre du chocolat, faire du porte-à-porte là, pour financer nos voyages. Ben nous autres, si on veut pas le faire, ben, c'est des jeunes Normandins qui vont le faire à notre place. Puis, je te dis, c'est l'équipe d'un village que tout le monde tient à cœur. Tout le monde a cette équipe-là à cœur, vraiment. Puis j'espère que dans le futur, cette équipe-là va persister puis va réussir à rester à Normandie. OK. Puis je le souhaite de tout mon cœur. Charles, en terminant, je pense que c'était ta dernière année. T'as 21, Charles, c'est ça? Non, j'ai bien vu mon 18. Je m'en vais pour OK, mon fait que tu n'es pas encore dans le senior. Je me demandais si tu allais jouer dans le senior, donc... Non. Donc, c'était ma prochaine question, mais étant donné que tu as encore 2-3 ans à jouer avec les Éperviers, ben, quelque part, tu vas être encore de retour avec les Éperviers, j'imagine. Ben, Charles, j'aimerais ça te parler régulièrement avec le deck hockey, si tu veux bien. Oui, ça me fait plaisir, Danny, ça me fait plaisir. Pour parler un peu de ce qui se passe au deck hockey, pas mal d'équipes, c'est pas mal intéressant, puis vous avez quand même des propriétaires très dynamiques. Donc, des propriétaires très dynamiques, là, je pense à Alexandre Dufresne, là, qui est... Il a commencé à 7h le matin au centre, là, puis il n'a pas encore arrêté, puis il va arrêter à 10h à soir, là, qu'il veut réussir à investir, puis à finir la construction là, de son nouveau bar. Là, fait que là, les propriétaires dynamiques, c'est un bon move. Ah, OK, effectivement. Ben, Charles Tremblay, un gros merci, au plaisir de se reparler. Ça fait plaisir, Danny. Le responsable du deck hockey à Saint-Prime, Charles.